بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، donc on va commencer inshallah une qira'a dans le livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul de Abu al-Fida Ismail ibn Omar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri puis al-Dimashqi qui est mort en 774 Hijriya, qui fait partie des grands élèves de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah et qui a parmi ses livres les plus connus, le tafsir du Coran, qui est le meilleur tafsir qui existe, et il fait partie des muhaqqiqoun qui vérifient et établissent la vérité dans les masaïl, que ce soit dans la foi ou dans le fiqh ou autre. Et il a également Al-Bidaya wa Nihaya, qui est un livre d'histoire islamique et d'histoire tout court, qui commence avec la création et qui finit avec le jour de la résurrection. Et il y a cité dedans l'histoire prophétique et tout ce qui est arrivé dans la Umma Islamiyya jusqu'à son époque. Et donc il a Al-Fusul, qui est un livre résumé dans la biographie prophétique, et il a un autre livre de Sira qui s'appelle la Sirat al-Nabawiyya. Donc on va commencer sa muqaddima. Il dit Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Donc ça c'est une ayah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahada man akhlasa lahu qalbah wa njabat anhu aqdaru ash-shirk wa safa. Donc là, il a loué Allah Azza wa Jal et a témoigné son unicité. Wa uqirru lahu bi riqqis al-ubudiyya. Wa aqarra lahu bi riqqi al-ubudiyya wa ista'adha bihi min sharri ash-shaytani wal hawa wa tamassaka bi hablihi al-matin al-munazzal 'ala rasulihi al-amin محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصير والنهى أما بعد. Donc ça c'est ce qu'on appelle du saja en arabe, c'est-à-dire que ça rime, la fin ça finit sur les mêmes sonorités. Et ça, il n'y a pas de problème à le faire tant que c'est pas avec de l'exagération. Et que ça contredit pas le haqq. Car lorsque ça contredit le haqq, comme c'est arrivé à un homme qui s'est opposé au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec du saja. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit saj'un ka saj'il a'rab. C'est du saja comme le saja des bédouins. Et dans le riwaya, il a dit إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَانِ. Celui-ci fait partie des frères des devins. Donc il l'a durement blâmé pour ça. Car il est venu avec son sage pour s'opposer à la vérité. Mais lorsque c'est fait sans exagération et sans non plus forcer, car lorsque c'est fait en forçant, il n'y a plus d'intérêt et c'est pas voulu par la législation de faire beaucoup d'efforts pour ça. Donc c'est suivant les personnes. Il y a des personnes pour qui c'est simple, et d'autres qui font beaucoup d'efforts pour en arriver à du sage, et ça leur est pas demandé. Mais la personne qui transmet donc des jugements légiférés ou la religion, ça lui est pas demandé de faire des rimes ou quoi, mais de transmettre. Si il le peut d'une belle façon, alhamdulillah, sinon il transmet. أما بعد فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية. Donc il dit ça convient pas aux gens de science de pas connaître la biographie prophétique et l'histoire islamique. وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. Toi qui dis le savant, il peut pas s'en passer de ça. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه ونموذجا وعونا له وعليه. Donc il dit, je voulais écrire quelque chose qui sera un rappel en cela, dans la biographie, et un madhal, c'est-à-dire une chose pour commencer cette science. Donc ce livre, c'est un résumé, et il l'a écrit comme un madhal. Allah al-Musta'an. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا. Donc il cite l'ascendance du prophète صلى الله عليه وسلم et sa vie et les jours de l'islam après lui jusqu'à notre époque, il dit. Et en fait, il n'a pas écrit jusqu'à son époque, mais il l'a fait ça dans Al-Bidaya ou Al-Nihaya. Donc il se peut que quand il a écrit cette Muqaddima, c'est ce qu'il voulait, mais il ne l'a pas fait. Et parfois, les savants écrivent le Muqaddima après avoir écrit le livre. Mimma yamassu hajata dhawi al-arab ilay, ala sabil il-irtisar, insha'Allah ta'ala. Al-juz al-awwal, siratuhu sallallahu alayhi wa sallam, وغزواته. Donc première partie, sa vie sallallahu alayhi wa sallam et ses razawat, qui est le pluriel de razwa ou razia, qui est le fait d'aller vers l'ennemi pour le combattre. Faslun, donc al-fusul, c'est le pluriel de fasl. Et le fasl, c'est ce qu'il y a habituellement sous les chapitres, sous les abwab. Donc les livres sont souvent décomposés en kitab, en kutub. Kitab al-Iman, le livre de la foi, Kitab al-Tahara, etc. En dessous, il y a des abwab, bab, kada, wakada. Et en dessous, les abwab, souvent, les savants divisent en fusul. Donc ce livre-là est divisé directement en fusul. Faslun, dhikru nasabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, le titre du fasl, ça a été rajouté après lui, wallahu alam. Mais l'Ibn Kathir, il écrit juste fasl. Et après, c'est les éditions qui ont rajouté des titres. Huwa sayyidu waladi Adam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le maître des enfants d'Adam. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith muttafaqun alayh, d'après Abu Huraira, radiyallahu an, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Je suis le seigneur des enfants d'Adam sans me vanter. Abu al-Qasim, Muhammad. Donc c'est Abu al-Qasim, sa kunya. Et son nom c'est Muhammadun, qui veut dire le loué. Qui veut dire le loué. Et son nom est une louange en soi et lui correspond en tant qu'attribut, c'est-à-dire elle le caractérise et c'est son nom propre également. Et Abu al-Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de prendre comme kunya sa kunya. Il a dit la takno bi kunyati wa tsamo bismi. Prenez pas ma kunya, mais prenez mon nom. Et il a dit ça après que quelqu'un ait appelé Abu al-Qasim dans la rue et qu'il soit retourné et que c'était quelqu'un d'autre. Donc les savants après ont divergé, est-ce que ça c'était interdit seulement de son époque ou alors c'est interdit que pour celui qui s'appelle Mohammed et qui veut prendre comme kunya Abu al-Qasim, etc. Et cher, il voit que à la colline, il vaut mieux s'écarter des doutes et donc comme les kunya, le pluriel de kunya kuna, avec une alif. Elles sont nombreuses. N'importe quelle kunya peut être prise, donc il vaut mieux délaisser celle-là. Comme ça, on reste dans le suivi de l'interdiction prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad, c'est cité dans le Coran également. Muhammadun Rasulullah, Muhammad el Messager d'Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Et Muhammad n'est qu'un messager. Et Ahmed, donc c'est aussi Ahmed. Et Ahmed, c'est cité dans le Coran de la parole de Isa. Mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Et je viens faire la bonne annonce d'un messager qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que c'est Ahmed. Il est Muhammad, ana Muhammad wa Ahmed. Je suis Muhammad et Ahmed. Donc Muhammad, il est loué. Il est loué, ça le caractérise dans le sens où les gens le louent. Et il est loué auprès d'Allah, Azzawajal, des anges et même des êtres humains. Et Ahmed, donc qui fait partie, Ahmed, c'est un mamnour min as-sarf. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de tanwin. Ahmadou ou Ahmada. Il ne prend pas de tanwin ni de kasra. Donc Ahmed, c'est en fait un ism tafdil. Ism tafdil, il y en a un superlatif en français. Et le sens, Allah alam, ça peut rentrer deux choses. Donc, c'est celui qui loue le plus Allah, le plus Allah. Donc le sens, ça serait Ahmadun Nas li Rabbi. Et que le sens peut être également que c'est Ahakun Nas bilhamd. C'est celui qui est le plus en droit des gens d'être loué. Donc ça peut, ce ism tafdil, englober ça et ça, Allah alam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également est caractérisé par ce nom, car il loue énormément Allah azza wa jal. وَالْمَاحِ الَّذِي يُمْحَى بِهِ الْكُفْرِ. Et c'est l'effaceur par lequel le kufr, la mécréance est effacée. Et la mécréance a été effacée, la jahiliya, l'époque de l'ignorance, la grande ignorance, a disparu avec son envoi. Et le kufr s'est effacé sur terre et dans la péninsule arabique. Le diable a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique, mais dans le tahrish, dans le fait d'inciter les uns contre les autres et de monter les uns contre les autres. Donc celui, le rassembleur, derrière qui les gens seront rassemblés. والعاقب الذي ليس بعده نبي. Donc العاقب, il l'a défini lui-même le prophète صلى الله عليه وسلم en disant que c'est celui derrière qui il n'y a pas de prophète. Comme il a dit dans l'autre hadith, la nabi ya ba'di, il n'y a pas de prophète après moi. Donc quiconque prétend la prophétie après lui est mécréant. والمقفي, c'est également le muqaffi et le sens il est proche de العاقب. ونبي الرحمة, c'est le prophète de la miséricorde. وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les gens. ونبي التوبة. Et c'est le prophète de, du repentir. Du repentir. ونبي الملحمة. Et le prophète de الملحمة, c'est les combats. C'est les combats, il a été envoyé avec l'épée. Et il a combattu. Comme beaucoup de prophètes avant lui, qui ont combattu. Et le djihad, c'est pas une chose nouvelle. Et donc, c'est également une miséricorde. Car Allah Azzawajal, il stoppe les injustes et les associateurs par ses serviteurs croyants. Donc, ces noms-là sont venus dans Sahih Muslim et dans les Sunan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.